Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Le Dieu que nous invoquons est au-dessus de tous les dieux. Il est au-dessus de toutes les puissances des ténèbres. Toi qui es poursuivi par la sirène des eaux, je ne sais pas quel est le type de démon qui te fatigue, mais j'aimerais te dire que Jésus-Christ est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. N'aie pas peur de toutes ces puissances. Jésus t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut te nuire. Réveille-toi, nous allons prier. Invoque le nom de Jésus. Réveille ton voisin, réveille ta femme, réveille ton mari. Nous sommes à OSB, opération sur la brèche. Nous allons lire Néhémie chapitre 4, 1 à 7. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSB. Notre texte du jour, c'est Néhémie 4, 1 à 7. Lorsque Sanballa apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu ?» Tobija, l'ammonite, était à côté de lui et il dit, « Qu'ils bâtissent seulement, si un seul renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. » Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leurs péchés ne soient pas effacés de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sanballa, Tobija, les Arabes, les Ammonites, les Asdoniens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Amen. Nous allons partager trois vérités tirées de ce passage. Première vérité, notre prospérité ou notre épanouissement irrite nos ennemis. Il faut que tu sois conscient en tant que chrétien. Est-ce que tu comprends? Mon ami, toi tu t'étonnes, tu dis mais... Depuis que je me suis marié, tout le monde est contre moi. Et que même parfois, les parents, les membres de famille, tes amis, ils sont contre toi. Ne sois pas étonné de ce que lorsque tu as acheté ta belle voiture, il y a des gens qui te regardent avec les mauvais yeux. Parce que notre épanouissement irrite nos ennemis. Ce que le diable utilise, c'est ce qui s'est passé au temps de Néhémie. Il est dit au verset 1, « Lorsque Sanballa apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère. » Remarquez une chose ici, c'est que nos ennemis, ils ont des services de renseignement. Est-ce que tu comprends mon ami? Lorsque tu es en train de faire quelque chose, il y a des personnes qui cherchent à se renseigner sur tout ce que tu fais. Je parle à une sœur. Écoute-moi bien, tu t'étonnes de ce qu'il y a une tante, elle sait le jour où tu t'es fiancé, elle connaît déjà le nom de ton fiancé. Et toi-même, tu es étonné. Il y a des gens qui cherchent à s'informer, non pas pour le bien, mais ils cherchent à tirer des informations pour les exploiter, pour savoir comment te combattre. C'est pourquoi nous avons vu qu'il y a des fois où nous devons apprendre à être discrets. On dit, lorsque Sanballa a pris, il y a des gens qui sont animés par l'esprit de Sanballa. Ce sont des jaloux, des gens qui ne veulent pas voir les autres progresser. On dit, il fut très irrité. Et nous voyons encore la même réaction. Au verset 7, on dit, mais Sanballa, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdoniens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. C'est pourquoi nous devons être prudents. Je vais donner un conseil à quelqu'un. Écoute-moi bien, tous ceux qui viennent dans nos églises, nos communautés, ne sont pas tous convertis. Parfois, il y a des endroits où, si l'Esprit Saint ne te convainc pas de donner un témoignage public, il ne faut pas le faire. Il faut obéir à la direction du Saint-Esprit. Il y a des gens où, lorsque tu donnes même un sujet de prière dans un lieu très ouvert, il y a certaines personnes, ils sont irrités. Quand ils apprennent, par exemple, que tu as un enfant qui veut se rendre en France, tu as un enfant qui cherche une bourse pour aller à Washington, il y a des gens, lorsqu'ils apprennent que ton enfant a eu une grande mention, ils cherchent comment contrecarrer, comment attaquer. Deuxième vérité, nous devons être conscients que l'ennemi utilise certaines armes pour chercher à freiner ce que nous faisons. Lorsque Sanballat, tête d'affiche de l'opposition contre Néhémie, il a appris que la muraille ou les murailles de Jérusalem étaient en train de se rebâtir, il a monté une stratégie pour arrêter cette œuvre. Nous voyons ici, il y a deux stratégies ou deux armes que l'ennemi utilise. Il y a la moquerie et le mépris, vous voyez. Il est dit ici, au verset 2, « Il se moqua des Juifs. » Et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces juifs impuissants? L'esprit de moquerie cherche à te diminuer. Il va te montrer que toi, tu es maladif, tu es maladive. Toi, tu n'as rien, tu n'es rien. Il va te montrer que tu ne peux pas être nommé à tel poste de responsabilité parce que tu n'as pas les diplômes requis. Il va te dire que toi là, tu n'es pas connu. Il peut même dire que tes parents sont des pauvres, ton village n'est pas connu. Tu ne dois pas te laisser effrayer ou te laisser décourager par ça. Ça, c'est l'esprit de moquerie. Il dit, les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Vous voyez, je vais parler à quelqu'un, écoute-moi bien. Quand tu commences un chantier, tu as eu un terrain, la construction de la maison, ça peut prendre du temps. Mais il y a des gens qui peuvent se moquer de toi, qui peuvent te dire, mais depuis que tu as acheté ce terrain-là, hein, ça fait plus de 5 ans, on ne voit rien. Ils vont se moquer. Est-ce que réellement tu vas finir cette maison? C'était cet esprit-là de moquerie. Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Il y a des gens qui sont donc qui ont un doctorat en moquerie. Il ne faut que se moquer des autres. Parfois, eux-mêmes n'évoluent pas. Mon ami, si tu veux avancer, tu ne dois pas te laisser décourager par l'esprit de moquerie. Ça fait partie des armes que le diable utilise. Cet esprit de moquerie s'accompagne par l'esprit de mépris. On te méprise. Tobija, au verset 3, dit « Qu'il bâtit seulement. Si un renard se lance, il renversera leur muraille. » On entend souvent des gens qui ont des paroles négatives. Ils disent « Mais ce que tu es en train de faire là, ça n'a même pas résisté. » Et il y a des gens qui se découragent à cause de ça. Mon ami, je vais parler à quelqu'un. Il y a un oncle qui t'a découragé. Il dit que les études que tu fais là, ça n'a aucun débouché. Tu n'auras rien. Mais toi, tu es convaincu de faire ces études-là. Il y a quelqu'un qui va te décourager. Il dit, le commerce que tu fais là, tu ne vas rien gagner. On risque de te voler, on risque de t'escroquer. Il va te donner des cas de personnes qui ont commencé à vendre ces marchandises-là, mais ça n'a pas abouti. Mais mon ami, si la chose est venue de Dieu, ne suis pas ces Sanballat, ces Tobija, qui sont des jaloux, qui veulent te mépriser, qui veulent se moquer de toi. Troisième vérité, quelle doit être notre attitude, notre réponse vis-à-vis de ces armes-là? L'attitude que nous devons avoir, d'abord, c'est la prière. Deuxième attitude, nous devons prendre au sérieux le travail. Il faut travailler. Laissez les gens qui se moquent de toi, qui perdent leur temps en train de se moquer de toi, de te critiquer. Néhémie a prié. Écoutez, il a dit au verset 4, « Écoute notre Dieu comme nous sommes méprisés. Fais retomber les insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. » Vous voyez? Donc, lorsque les gens parlent de contre toi, ils se moquent de toi. Ils disent que tu ne vas pas réussir. Toi, tu dois prier. Invoque le nom du Seigneur. Parfois, il y a des prières où tu dois faire pour annuler leurs mauvaises paroles négatives. Et tu vas commencer à proclamer les promesses de Dieu dans ta vie. Donc, la prière. Ne passe pas du temps en train de dire, oui, comme il a parlé comme ça, moi, je vais lui répondre ou je vais demander pourquoi il a dit ça. Tu vas perdre ton temps. Passe du temps à la prière. L'arme dont tu dois te servir, c'est la prière d'abord. Deuxième attitude, il faut travailler, prendre à cœur le travail. Il y a des gens qui perdent le temps. Mon ami, les gens veulent t'intimider et te décourager pour que tu abandonnes ce que tu es en train de faire. Mais Néhémie ne s'est pas laissé décourager. Le verset 6 dit, « Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. » Mon ami, si tu prends à cœur ce que tu es en train de faire, même si aujourd'hui les gens se moquent de toi, ils voient comme si ça ne représente rien. Mais demain, lorsque l'œuvre sera achevée, tu vas voir. Je vais encourager un jeune serviteur. Écoute-moi bien, Dieu t'a convaincu de commencer une œuvre, un ministère, de commencer une église. Au début, ça peut être dur. Ça peut être dur. Au début, tu auras à souffrir. Peut-être même pour avoir l'argent de location des chaises, c'est compliqué. Les dîmes et les offrandes ne vont pas suffire. Au début, c'est toi-même, tu vas commencer à payer même la maison. Tu n'auras pas de membres. Mais si la chose vient de Dieu, persévère. N'écoute pas ceux qui te découragent. Tu verras. La Bible déclare que ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Quand tu commences une œuvre, au début ça peut être dur. Mais si la chose vient de Dieu, elle triomphera. Car la Bible dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Prends à cœur la chose et travaille. C'est le travail qui paye. Si Dieu est avec toi, tu verras, tes ennemis seront dans la confusion. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons chanter ces cantiques pour les glorifier. Pas peur de la mort. Alléluia. Élevons tous ensemble nos voix. Bénissons le Seigneur. C'est lui, le Dieu, qui nous donne de persévérer. Il nous donne du succès et il confond nos ennemis. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, Éternel notre Dieu, toi le Dieu qui donne vie à tout ce que nous faisons. Oui, Seigneur, ta grâce nous suffit. Tu es celui qui parachève tout ce que tu commences. Éternel notre Dieu, nous voulons te prier en ce moment afin que tu nous aides à parachever tout ce que nous commençons. Sois béni de ce que, malgré la colère de l'ennemi, ta grâce nous suffit. Nous te glorifions, nous te magnifions, toi le Dieu tout-puissant, capable de renverser toutes les stratégies de l'ennemi. Oh, sois magnifié, notre Dieu, notre Seigneur, toi le Dieu qui t'occupe de nos ennemis. Nous voulons t'élever en ce moment, ô Éternel, notre Dieu, notre Seigneur, toi le Dieu tout-puissant, le Dieu grand, le Dieu incomparable, le Dieu qui nous soutient et qui nous conduit. Merci Seigneur, toi le Dieu qui nous donne la victoire sur nos adversaires malgré la moquerie. Nous glorifions ton nom en ce moment et nous t'élevons au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre texte de base est Néhémie chapitre 4, 1 à 7. Nous sommes à OSB, opération sur la brèche. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site web www.radiofréquentevie.com. Nous venons de voir dans ce passage que notre croissance ou notre prospérité irrite nos ennemis. Sanballa, Tobija furent irrités quand ils apprirent que les murailles étaient en train de se construire. Les murailles étaient en train d'évoluer, les travaux évoluaient. Tu vas prier le Seigneur pour dire, « Oh Dieu, protège-moi contre tous ceux qui sont irrités contre moi et qui cherchent à arrêter le travail que je fais. » Tu vas prier pour anéantir cet esprit de jalousie, d'irritation que l'ennemi sème dans la vie de certaines personnes qui ne veulent pas te voir progresser dans ce que tu fais. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Éternel Dieu, je te célébrerai en tout temps. Tes œuvres sont grandes, tes œuvres sont magnifiques. En toi, il y a la vie, en toi, il y a le mouvement, en toi, il y a l'être. Ce matin, ô Père éternel, je me tourne vers toi pour te rendre grâce. Je me tourne vers toi, ô Père éternel, pour te remercier pour tous tes bienfaits. Et je prie, ô Père éternel, je demande que tu me protèges contre mes ennemis. Protège-moi contre mes adversaires qui s'irritent contre moi. Ceux qui s'opposent s'opposent à mon évolution, ceux qui s'opposent à mon travail, ceux qui s'opposent à mon ministère, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je me tourne vers toi, ô Père éternel, parce que j'ai mis ma confiance en toi, parce que j'ai mis mon espérance en toi. Et je déclare ce matin que tous ceux qui sont remplis d'esprit de haine, d'esprit de division, d'esprit de sabotage sont délivrés au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui s'opposent aux enfants de Dieu, tous ceux qui s'irritent aux enfants de Dieu, s'opposent à leur épanouissement, à leur évolution, sont liés au nom de Jésus-Christ. Je prie au Père éternel, je demande que ta bonté, ta douceur, ta miséricorde habitent le cœur de tous ceux qui sont contre toi, de tous ceux qui s'irritent contre tes enfants. Fais en sorte, ô Père éternel, qu'ils te rencontrent et qu'ils sachent que Jésus-Christ est Seigneur. Toi qui disposes nos cœurs aux bonnes choses, je demande au Père éternel que tu disposes les cœurs de ceux qui font des choses de bonne foi à tes bonnes œuvres. Merci Père pour ta délivrance, pour ta paix. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Nous venons de voir que l'ennemi utilise l'arme de la moquerie et du mépris. Tu vas prier pour combattre cet esprit de moquerie, cet esprit de mépris, afin que toutes ces moqueries contre ta vie, contre tes enfants, contre ta femme, ton mari, n'aient pas d'effet sur ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Sois béni notre Dieu, notre Père, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Protecteur. Nous croyons au pouvoir de ta parole, au pouvoir du sang de l'agneau, au pouvoir du nom de Jésus-Christ. L'ennemi de temps en temps change de stratégie pour nous décourager, pour nous amener, notre Dieu, notre Père, à poser des actions, notre Seigneur, qui ne sont pas à la gloire de ton nom. Ce matin, nous voulons te prier afin de te demander, aie pitié de nous. L'Éternel, aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. Notre âme est assez rassasiée des moqueries, des orgueilleux, du mépris des hautains. Nous prions que ces moqueries dans nos familles, dans nos églises, dans nos sociétés où nous travaillons, parce que nous t'avons accepté, nous te prions, nous confessons notre foi et les gens se lèguent contre nous, utilisent ces moyens de moquerie. Nous prions que tu nous gardes, nous prions que tu nous protèges, nous prions que à travers ces moqueries, tu augmentes notre foi à nous mettre à genoux devant toi, à lever les mains vers toi, à te rendre toute la gloire. Donne-nous la force au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir que malgré les moqueries, nous devons recourir à la prière. Et nous devons prendre à cœur le travail. Nous allons prier. Peut-être que tu es découragé dans une entreprise, dans une œuvre, tellement que les gens t'ont découragé. Personne ne t'encourage et tu te sens fatigué et tu cherches à lâcher prise. Tu vas prier pour que le Seigneur te fortifie, afin que tu continues à travailler dans la vision que Dieu t'a donnée. Tu vas prier pour que le Seigneur lui-même te soutienne afin que cette œuvre soit achevée dans le nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. La force. Tu es digne d'être honoré, tu es digne d'être apprécié ce matin. Reçois favorablement les paroles de notre bouche et les sentiments de notre cœur, ô Éternel, notre rocher et notre libérateur. Ce matin, je te recommande à toutes ces personnes qui œuvrent dans ta bergerie, toutes ces personnes que tu as mises à part, qui travaillent de mieux en mieux pour la progression du royaume, qui opèrent dans le service, qui ne vivent que pour les intérêts de ton royaume et qui sont sujets de moquerie, de raillerie et qui sont découragés et qui sont abattus et qui ne voient pas encore la gloire de Dieu dans cette œuvre, qui ne voient pas encore ta puissance à se manifester, qui ne voient pas encore, oui, la réalité de certaines choses. Père, je prie que tu fortifies la foi de quelqu'un. Je prie que tu aides, Seigneur notre Dieu, l'œuvre dans la vie de ton serviteur qui languit, qui pleure, qui gémit, qui crie à toi, qui vient à la prière, qui médite et qui espère en toi. La Bible dit que celui qui vous a appelé est fidèle et il le fera. Seigneur, merci d'aider quelqu'un à aller de l'avant. Merci d'aider quelqu'un à progresser. Merci d'aider quelqu'un à évoluer, à marcher en comptant sur toi par la foi. Afin que, Saint-Esprit de Dieu, nous savons que ton œuvre n'est pas vaine et certainement, il y aura des retombées spirituelles, matérielles et financières dans la vie de ces serviteurs qui espèrent en toi. Merci et merci. Toute la gloire te revienne parce que tu es capable de changer l'histoire de quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons rappeler deux grands rendez-vous. Premier rendez-vous, c'est le samedi 7 mai 2016 à partir de 9h, spécial OSB Jéricho. À l'église centrale de l'Assemblée de Dieu d'Adjamé, il y aura un jeûne de 7 jours comme d'habitude et un petit livret pour vous conduire dans le jeûne. Préparez-vous. Deuxième rendez-vous, c'est ce dimanche 17 avril. Bonheur conjugal pour les célibataires. Thème, combattre l'esprit de Sanballa qui s'oppose à ton mariage. Deux services. Premier service à 16h, deuxième à 18h. Ne manquez pas ce rendez-vous. L'entrée est libre. C'était OSB. D'ici là, portez-vous bien. À demain, même heure et même chaîne. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.